Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. L'administration communale à Boumangué demande aux couples en union libre de profiter d'un délai de grâce séculaire a été donné pour régulariser leur union. Nous allons nous y rendre et la consommation excessive d'alcool cause beaucoup d'effets néfastes dont certains vous seront dévoilés par le directeur du programme national intégré de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles. Il a conseillé aussi aux consommateurs soit d'abandonner, soit de consommer avec modération. Et en province de Muyinga, nous vous parlerons de la saisie d'un véhicule et des fruits qui allaient être exportés sans autorisation d'une autorité compétente. Bienvenue dans ce journal, mis en onde par Eli Kadogo et Audrine. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. Près de 9 millions de plants de café seront plantés cette année dans le but d'améliorer la récolte de cette culture. Le président de la Confédération des associations des caféiculteurs du Burundi, Sénac, Mori Mawisangi, qui le dit, se félicite que le gouvernement a promis d'autres encadreurs agricoles œuvrant dans les DPAE. On l'écoute. Il est traduit par Joseph Nsabiyabandi. En mettant ensemble nos efforts avec le ministère en charge de l'environnement, l'agriculture et l'élevage, l'ARFIC l'Intercafé et le programme de l'État chargé de la réhabilitation de la culture café, je vous dirais que tout va bien. Nous nous attendons cette année que près de 9 millions de plants de café soient plantés. Beaucoup d'efforts sont fournis dans ce sens. Il est vrai, nous avons beaucoup d'encadreurs agricoles qui s'élèvent à 719 seulement. Et une nouvelle mesure qui vient d'être prise, c'est que les DPAE vont nous donner leurs techniciens qui œuvrent au niveau des collines pour appuyer nos encadreurs collinaires. Voilà ce qui est fait et dans le sens de booster la récolte. Aujourd'hui, nous misons sur plus de 20 000 tonnes de récolte. Nous espérons que la récolte ne va plus chuter jusqu'à 5 000 tonnes. Poursuivons avec ce journal. Un camion d'Ifuso plein de mandarines a été intercepté par la police à Muyinga. Depuis vendredi, l'autorité locale distribue ses fruits à certaines catégories de la population. Aline Manilabarusha, gouverneur de Muyinga, a annoncé que ces marchandises importées étaient en train d'être exportés vers un pays voisin et ont été saisis car le propriétaire n'avait pas une autorisation d'exportation signée par une autorité compétente. Et de donner Nzeiman. Entre autres catégories de la population ayant bénéficié de la distribution des mandarines figurent les écoles à régime d'internat, les centres hébergeant les vulnérables, les femmes musulmanes assistant les vulnérables et les prisonniers. Un camion de type Fuso plein de mandarines a été intercepté par la police alors qu'il se dirigeait vers la Tanzanie. Aline Manilabarusha, gouverneur de la province Muyinga, précise que ces fruits distribués ont été saisis car c'est de la contrebande. L'exportateur avait une autorisation d'exportation signée par un directeur général alors que l'autorité exige un document signé par le ministre en charge du commerce. Le camion saisi est gardé au commissariat de police à Muyinga. Ici, les autres camions y sont gardés depuis des jours. Ces camions contiennent du sorgho. Mais les exportateurs auraient brandi des documents portant autorisation d'exportation des mandarines. Certains policiers affirment que des exportateurs passeraient par Muyinga pour en faire transiter par la Tanzanie à destination du Rwanda, malgré l'interdiction du gouvernement de Muyinga. Yodone Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page santé à présent, la consommation excessive d'alcool a des conséquences néfastes sur la santé. Selon le directeur du programme national intégré de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, l'alcool a des effets nocifs entre autres sur le foie, le cerveau et le cœur. Docteur Innocent Nkurunziza conseille aux consommateurs d'alcool d'abandonner pour ceux qui le peuvent ou de réduire la consommation. Suivez-le. Les autres facteurs de risque pour les maladies chroniques non transmissibles, en plus du tabac qui vient en premier lieu parce qu'il a des conséquences néfastes et touche et le consommateur et l'entourage qui devient un fumeur passif, il y a l'alcool, la consommation abusive de l'alcool qui est aussi un produit nocif sur la santé. Cependant, avec la dépendance alcoolique, Plus on prend, plus on en a encore plus besoin. C'est pourquoi nous conseillons d'abandonner totalement l'alcool. Parce que l'alcool a des effets non seulement sur le système nerveux central, il a des effets nocifs sur le foie et d'autres organes, conséquemment le cœur, par la cirrhose, l'insuffisance cardiaque et après le cancer hépatique. Normalement, on conseille à tout le monde de ne plus boire. Mais pour ceux qui ne peuvent pas abandonner l'alcool, il est conseillé 2 petits verres de 150 ml pour les femmes et 4 verres pour les hommes. C'était Dr Innocent Nkurunziza, il est directeur du programme national intégré de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles. Rendons-nous à Ruyigui à présent. Le résultat issu du marché se trouvant dans la ville de Ruyigui a connu une augmentation supérieure au double après que la gestion de ce marché est passée aux mains de la commune Ruyigui en juin 2017. Et les recettes issues de ce marché servent à la réalisation des projets de développement et les commerçants se disent satisfaits de bons rapports qu'ils entretiennent avec la commune. Les détails avec Jean-Claude Chimiliman. C'était le 1er juin 2017 quand la gestion du marché de Ruyigui est passée de la société de gestion du marché de Ruyigui Sochemaru, commune de la commune Ruyigui. Après cette année d'exercice, Dieudonné Chitegetse, administrateur de la commune Ruyigui, se dit satisfait des résultats issus de ce marché. Selon lui, les recettes sont passées de moins de 2 millions à plus de 5 millions. Comparativement à la somme que la Sochemaru nous donnait à la fin de chaque mois, il y a une nette révolution puisqu'on donnait à la commune une somme de 1 500 000 par mois. Mais dès que le marché est dans les mains de la commune, on a les recettes variées entre 5 millions et 6 millions par mois. Dieudonné Chitegetse dit que la réorganisation des activités et la sensibilisation des commerçants au paiement des impôts et taxes sont à l'origine de ces bons résultats. Nous avons recruté un agent qui gère la commune et les percepteurs des jours de marché ainsi que les barrières qui gardent le marché propre et on a sensibilisé aussi les commerçants sur l'avantage de payer les impôts et les taxes. Cette autorité administrative fait savoir que les recettes issues de ce marché sont celles qui sont en grande partie utilisées dans la construction d'un hôtel en étage de la commune. Tout d'abord, je voudrais vous signifier qu'on a un grand projet de construction d'un hôtel de ville en étage et les ressources que nous utilisons proviennent essentiellement des recettes revenues de ce marché moderne de Ruyigui. De leur côté, les commerçants opérant dans ce marché apprécient positivement leurs relations avec la commune en ce qui concerne le paiement de leurs obligations. Les relations ne sont pas si mal parce qu'il y a concertation lors des réunions organisées, d'où l'entente. Le problème que nous avions était fondé sur le paiement de nos obligations aux dates arrêtées par la commune. Mais actuellement, nous nous sommes convenus à un délai limite, même celui qui éprouve des difficultés au paiement de ses obligations s'explique avec succès. Vous saurez que la rétrocession de la gestion de ce marché à la commune Ruyigui a été décidée sur demande des commerçants qui se plaignaient de la hausse effrénée du coût de location des stands faite par la Sogemaru. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigui, Radio Isanganiro. De Ruyigui à l'est du pays, rendons-nous au sud-ouest et à Rumonge où près de 30% de ménages irréguliers dans la commune de Rumonge n'ont pas encore régularisé leur union. L'administrateur de Rumonge demande aux retardataires de profiter de nouveaux délais de grâce qui expirent en août prochain pour se conformer à la loi. Jean-Pierre Misago. Selon les données disponibles au bureau provincial de Rumonge, 5622 ménages de la commune de Rumonge avaient été recensés comme étant des unions libres et qui avaient jusqu'au 31 décembre 2017 pour régulariser leur union, tel que cela avait été ordonné par le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, le 1er mai 2017. Dans ce délai, 3330 ménages ont régularisé leur mariage et 723 l'ont fait lors d'un délai de grâce qui a expiré le 22 avril 2018 et 1569 ménages ne se sont pas conformés à la loi. Célestin Nitanga, administrateur de commerce de Rumonge, explique que des désaccords au sein de plusieurs ménages à ce sujet sont à l'origine de cette situation. Il invite les retardataires à profiter d'un deuxième délai de grâce décidé ce 17 mai 2018 et qui expire avec août prochain afin de ne pas s'exposer aux sanctions. Dans les cinq communes que compte la province de Rumonge, ces données montrent que la commune Muhuta est en dernière position, mais que les communes Buyengero et Burambi ont dépassé les prévisions. Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, indique que ces données pour la commune Muhuta ont sensiblement augmenté ces derniers jours. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Et en actualité internationale, le président égyptien a prêté serment ce samedi pour un deuxième mandat de 4 ans. En Irak, une certaine Melima a été condamnée à perpétuité pour appartenance au groupe État islamique. Et en Israël, l'aviation a frappé plusieurs effets du Hamas dans la bande de Gaza. Le détail avec Eric Ndouayou. Au cours d'une édition spéciale retransmise en direct à la télévision d'État, la prestation du serment du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi devant les membres du Parlement et du gouvernement a été saluée par 21 coups de canon. Président Sissi, élu une première fois en 2014, après avoir destitué en tant que chef de l'armée son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi l'année précédente, a été réélu en mars avec plus de 87% des suffrages exprimés. Il n'a eu aucune opposition à affronter. Son unique adversaire Moussa Mostafa Moussa, un homme politique méconnu du grand public, était un de ses plus fervents soutiens. En Irak, la française Melina Boghedir, condamnée à perpétuité pour appartenance au groupe État islamique. La française Melina Boghedir, condamnée à la prison à perpétuité pour appartenance au groupe djihadiste État islamique, comparaissait ce dimanche 3 juin en Irak lors d'un nouveau procès. En février dernier, la même cour pénale centrale de Bagdad avait ordonné la libération et l'expulsion de la jeune femme française de 27 ans précise. L'AFP. En Israël, l'aviation israélienne a frappé plusieurs objectifs du Hamas dans la bande de Gaza, a annoncé l'armée dimanche 3 juin. Ces raids aériens ont été effectués en riposte des tirs de roquettes contre le territoire israélien. Lors d'une première vague de frappes aériennes, des avions de combat ont frappé 6 sites terroristes, 3 complexes militaires appartenant au mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué. Parmi ces objectifs figuraient 2 sites de fabrication et de stockage de munitions du Hamas et un complexe militaire. Merci à Eric et c'est par ici que nous bouclons ce journal. Et merci à vous tous qui nous avez prêté oreille attentive. Merci aussi à Elika Dogo et Audrine pour leur parfaite collaboration technique. Bonne soirée à tous.